On va parler de soccer et c'est avec grande fierté qu'on reçoit Laurent Simant du Toronto, FC de Toronto. Laurent Simant qui est un ancien joueur de l'Impact qui est à sa troisième saison à Toronto. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, si on parlait un peu de ta saison jusqu'à maintenant, le FC de Toronto, le fait qu'ils ont été en finale de la Ligue MLS, est-ce que cette année, est-ce qu'on vise vraiment le championnat vu qu'on était à un match de remporter les grands honneurs? Je pense que chaque équipe a envie de remporter la Coupe MLS. Après, là, c'est le début de saison. Je pense qu'on est tous focalisés sur le fait d'être dans les playoffs. Et une fois qu'on est dans les playoffs, c'est un nouveau championnat qui commence et tout est possible. Donc, je pense que le plus important, c'est d'être dans le plus haut du classement à la saison régulière pour bien commencer les playoffs. Mais je veux dire, c'est quand même important pareil de voir ça. Là, le début de saison, on a vu l'Impact il y a quelques années. L'Impact qui, heureusement, qui avait connu un bon début de saison pour se classer la première année de Rémi Garde. Après, je te dirais que par rapport à ce que moi je pense, c'est que oui, le début de saison doit être bon, c'est certain, pour les partisans surtout. Mais le plus important, ça reste les 10 derniers matchs avant les playoffs. Je pense que c'est là que tu dois être performant et dans le dernier sprint final. Et si tu es performant à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu vas faire les playoffs. La semaine passée, tu n'as pas joué du tout, je pensais, dans le match. Est-ce qu'on est déçu dans ce temps-là? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Voilà, il y a de la concurrence. Après, voilà, c'est les choix de l'entraîneur. Même si tu les comprends pas, des fois, il faut les accepter, même souvent. Et c'est comme ça, continuer à travailler sur le côté. Et dès que tu as la chance de jouer, ben, montrer que voilà, ta place est sur le terrain. OK. Laurent, si la plus grosse différence entre Toronto et Montréal pour le marché de soccer, c'est quoi? Ouais, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Ce sont deux clubs qui sont très professionnels, avec de bonnes installations. Voilà, de bons supporters, que ce soit à Montréal ou à Toronto. Ils nous aident, ils aident beaucoup l'équipe, et ça, c'est très important. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, franchement. Je pense que les deux clubs se valent et sont très professionnels. Il y a vraiment une grosse rivalité. Est-ce que c'est on dit que le FC de Toronto et l'Impact, c'est une des plus grosses rivalités dans la MLS. Est-ce que c'est particulier lorsqu'on l'équipe joue un contre l'autre? Tu as joué dans les deux formations? Ouais, c'est certain, surtout pour les fans. Je pense que c'est le match qu'ils veulent absolument gagner. Et c'est normal, j'ai connu ça aussi en Europe, puis j'ai connu ça aussi à LA, avec LAFC maintenant contre LA Galaxy. Voilà, c'est des matchs importants où les supporters veulent juste la victoire, ils s'en foutent de voir du beau jeu ou pas, c'est la victoire qui compte. Et c'est certain que c'est plus pour eux que pour nous les joueurs. Je pense que moi, quand je reviens à Montréal, je suis content de voir tout le monde et inversement. Mais c'est certain que pour les supporters, c'est très important. OK. Laurent, si on parlait un peu maintenant de la MLS comme telle, je pense que c'était quoi, ta 7-8e saison dans la MLS? On dit que c'est un circuit qui progresse continuellement. Est-ce que à une vitesse incroyable? Toi, là, en 8 ans, est-ce que tu vois la grosse différence dans le jeu? Oui, c'est certain. Je pense que ça va beaucoup plus vite maintenant. Les équipes sont beaucoup plus équilibrées. Tactiquement, ça travaille plus aussi. Et c'est dû aussi, je pense, au fait que des entraîneurs d'Europe viennent aussi ici et apporter leur touche tactique. Je pense que c'est ce qui manquait aussi auparavant et je pense qu'ils font bien ça. Et puis maintenant aussi, certaines équipes ont compris qu'il fallait passer par les jeunes et plus seulement payer des joueurs. Nous sommes astronomiques pour pas grand-chose. Je pense qu'on a besoin de centres de formation, de jeunes qui poussent en équipe première et ça, c'est important pour la Ligue aussi. Est-ce que tu penses que la Coupe du monde de soccer va donner, en 2026, va donner un grand boom pour le soccer en Amérique du Nord? Moi, je pense, hein, ça doit amener quelque chose, c'est certain, et c'est déjà bien qu'ils vont pouvoir se développer par rapport à ça. Et c'est certain que ouais, ça va faire du bien à la Ligue et ça va faire du bien ici pour le soccer au niveau de ce côté-ci du pays. OK. Laurent, on va parler des qualifications pour l'Euro. Ben, c'est l'Euro cette année. Est-ce que t'as l'impression que tu vas être appelé peut-être comme réserviste? Non, je pense que j'ai fait une croix sur l'équipe nationale. OK. Comme je l'ai dit, je viens de loin aussi, il y a le budget de me faire venir en avion qui est pas toujours évident non plus, et il y a des jeunes qui poussent aussi en équipe espoir. Donc je pense que pour moi l'équipe nationale c'est derrière et voilà, je fais avec. Après si on fait appel à moi, bien sûr je serai toujours disponible, mais je pense que je fais pas partie des des choix d'entraîneurs pour l'instant. Ben, Laurent, merci beaucoup. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Ouais. Honnêtement, on a eu des gros problèmes techniques en entrevue. On devait avoir Benoît Lavoie, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. L'Internet, la motadite informatique. Merci beaucoup et bonne chance ta saison avec la FC Toronto. Laurent Simon du FC Toronto.